Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver et aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Nous avons désormais des rendez-vous réguliers. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Donc, nous allons présenter, comme à l'accoutumée, les prochains concerts de l'association. Une association que vous présidez depuis combien d'années maintenant ? Eh bien, ça va faire 4 ans bientôt que je la préside, mais j'avais déjà fait, si je puis dire, un premier round avec 4 années à côté du président Marshall, pendant laquelle je faisais la programmation. Donc, en fait, j'ai déjà, en quelque sorte, une 8 ans d'expérience de programmation de cette association. Alors, pour vous présenter un peu à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes issu d'un milieu musical. Tout à fait. La musique a toujours été votre passion. Oui. Et ça reste une passion. Voilà. Tout à fait. J'ai vécu dans la musique avec des parents musiciens, des grands-parents musiciens. La musique, ça fait partie de ma vie. Bien. Alors, donc, on va attaquer tout de suite, évidemment, par le prochain concert de l'association Lorraine de musique de chambre, le concert du trio Stimmung, qui sera, je sais pas si je prononce bien d'ailleurs. Stimmung. Voilà, en allemand, oui. Voilà. Merci. Pas de quoi. Donc, trio qui sera donc en concert salle pour elle, comme à l'accoutumée, puisque c'est la salle où ont lieu la plupart du temps les concerts de la LMC. Concert à 20h, le lundi 29 avril prochain. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concert, le programme et puis ce trio? Tout à fait. Alors, le trio Stimmung, c'est un trio qui est relativement récent de conception. Ce sont trois très grands musiciens qui se sont rassemblés en 2017 et qui ont continué ensemble après leur tout premier concert. C'est un trio qui comprend donc 3 grands artistes, dont le pianiste Michael Levinas, qui est le compositeur bien connu, fils du philosophe, et avec Christophe Giovanninetti au violon, qui lui est le fondateur du Quatuor Isaïe, et Raphaël Chrétien au violoncelle, qui a rejoint l'équipe et qui maintenant joue en trio avec eux, tout en menant sa propre carrière. Alors, est-ce que vous pouvez détailler le programme de ce concert ? Totalement. On va commencer par le très célèbre trio de Ludwig van Beethoven, Les Esprits. Très beau trio. Magnifique, qui constituera absolument... Oh, tous les mouvements sont beaux, mais le second particulièrement. Cet Allegro assai. Ils joueront également un trio de Gabriel Fauré, le trio Opus 120. Très beau trio également, avant-dernière œuvre du compositeur. Et puis, ils termineront après l'entracte en seconde partie avec Antonín Dvořák et les Domky, le fameux trio Domky, dont on aura l'occasion de parler peut-être tout à l'heure. Oui. Donc, formidable programme, très très ambitieux. Et en même temps, des œuvres que le public aimerait écouter, bien sûr. Totalement. Je crois que ça fait partie aussi de ce qu'on doit faire dans une salle de concert. Il n'est pas non plus question de ne faire découvrir que des auteurs inconnus, qui sont inconnus souvent pour de bonnes raisons. ou des œuvres inconnues, idem. Quelques œuvres connues avec des grands compositeurs, ça fait beaucoup de bien. Et alors, ce sont des œuvres qui ont déjà été jouées dans le cadre de l'association, concerts de l'association. Absolument, elles ont les grandes œuvres comme celle-là ont toutes été jouées. Celle-là, nous avons le Beethoven a été joué en 1956 et 1991. Ah, oui, je dois préciser à nos auditeurs que vous avez cette formidable démarche sur les brochures qui présentent les concerts de rappeler les dates. Oui. C'est important de rappeler les dates, quand ont été jouées, les œuvres présentées au programme. Et exactement. Et les formations qui les ont jouées. De façon à remettre un petit peu en perspective l'histoire de la LMC, qui est une grande histoire avec de très grands noms, très connus, très réputés à l'époque, pour beaucoup disparus malheureusement. Donc on a aussi, alors le trio de Forêt, lui, a été joué en 49, et qu'on remonte loin, et en 2003. Donc, grands espaces entre les deux. Et le trio, le Domky de Dvorak, a été joué, lui, plus souvent, il a été joué 3 fois, en 52, 98 et 2019. Voilà, oui. Bon, on va écouter un peu de musique avec le oui. Gabriel, avec Gabriel Fauré, son trio avec piano opus 120. Je rappelle que c'est vous qui avez concocté le programme de l'émission. Je vous ai laissé oui. carte blanche pour présenter des œuvres que vous aimez et qui seront jouées, bien sûr, dans le cadre des concerts de la LMC, mais pas que. Alors voici ce trio opus 120 de Fauré, joué par le Beaux-Arts Trio. On en écoute le troisième mouvement. Thank you. troisième mouvement du trio opus 120 de Gabriel Fauré par le Beaux-Arts Trio et vous pourrez écouter bien sûr cette œuvre en intégrale le lundi 29 avril à 20h salle Poirel puisque cette œuvre sera donnée dans le cadre des concerts de l'LMC avec le trio, je vous laisse dire le Stimmung. Nom. Stimmung. Voilà, donc on a évoqué ce concert. Et puis donc également au programme Dvorak et le trio Doumki. Est-ce que c'est un compositeur qui vous touche beaucoup, Dvorak? Oui, alors oui. Bah, mon épouse, ayant des racines un petit peu pays de l'Est, c'est quelqu'un qui effectivement, que j'aime bien. C'est un compositeur qui est très agréable, qui a fait de très belles choses. Donc j'aime bien. Donc je suis très partisan de programmer le Dvorak chaque fois que je le peux et chaque fois que les artistes me le proposent, bien sûr. Donc, on va rappeler quand même que la programmation se fait en accord avec les artistes. Bien sûr, c'est eux qui me proposent leur répertoire, puisqu'ils n'ont pas chaque année le même répertoire. Ils changent eux-mêmes de façon à varier un petit peu les plaisirs. Donc, je choisis parmi les programmes proposés, ceux qui me conviennent le mieux, et puis chaque fois que c'est possible, j'arrange, je leur demande une œuvre plutôt qu'une autre, un numéro d'opus plutôt qu'un autre, etc. Donc la notion de musique de chambre est assez élastique, on peut dire ça comme ça. Oui, absolument. De 1 à 20, c'est toujours de la musique de chambre. Et justement, j'allais y venir, parce qu'il y a peu d'orchestres de chambre qui ont été invités ces dernières années par la LMC. Oui, alors il y en a peu. La plupart du temps, c'est d'abord pour des raisons financières, parce que ça coûte très cher de déplacer 20 personnes, de les loger, de les nourrir, avec tout le staff qui vient derrière, les régisseurs, etc., etc. On n'a pas toujours besoin d'un orchestre de chambre. Souvent, les formations trio quatuor suffisent très largement. Mais on a eu récemment, par exemple, avec François Dumont pour les concertos de Chopin, là, on a fait le choix de l'orchestre des concerts l'amoureux avec 20 musiciens pour accompagner ce concerto. Voilà, on ne le fait pas systématiquement, mais ce n'est pas la dernière fois, il y en aura d'autres. Est-ce qu'il y a une certaine interactivité avec le public qui peut éventuellement suggérer des artistes ou des œuvres? Totalement. Nous, on est totalement ouvert aux suggestions lorsqu'on nous en fait. Les œuvres, bien, il faut que je trouve les musiciens qui sont prêts à venir jouer ce type d'œuvre et qui correspondent aux attentes également des spectateurs. Des artistes, on nous en propose également. Alors, pas toujours au niveau de ce que j'aimerais, moi, proposer. Hein, on a quand même des artistes de très haut niveau la plupart du temps. Donc, il y a toujours un petit peu... Et puis surtout, la liste d'attente est énorme. Hein. Oui, j'imagine. On a 200 propositions chaque année, on a 8 concerts, vous voyez. Donc, le pauvre président doit faire des choix. Oui, est-ce qu'il y a des artistes locaux qui vous Alors il y a des artistes locaux qui nous contactent, mais il y a demandent une place. Peu, oui, il y en a beaucoup. Malheureusement, il y a peu de réponses positives parce que d'abord la liste d'attente est déjà très longue, et puis il y a cette notion de comment dire, il faut remplir la salle. Donc on remplit mal les salles de concert actuellement si on n'a pas des grands noms. Hein. C'est un des problèmes. Alors, on va écouter un autre extrait musical. Vous avez choisi le trio Doumki de Dvorak, qui lui aussi sera au programme du prochain concert du trio Stimmung, je crois que vous l'avez mieux dit. Stimmung, c'est parfait, oui. Ah, bon. Donc voilà, trio Atanasov. Très beau jeune trio, un jeune trio très bluffant d'ailleurs, hein, avec une technique très sûre, très maîtrisée, un jeu dynamique et très subtil. Vous allez voir, sont des gens qui méritent, ils viendront jouer eux à la LMC, ça fait partie des trios, ils sont sur la liste d'attente, je ne sais pas en quelle position, mais ils y sont, et ils vont venir jouer un de ces jours. Ils ont eu beaucoup de récompenses, Diapason d'or en particulier, ou Choc de Classica, pour le disque dont on entend l'extrait aujourd'hui. Ce disque est consacré entièrement à Dvorak et à Joseph Suk, donc son titre c'est Bohemian Rhapsody, si vous aimez ça. Thank you. magnifique trio Dumki, c'était le Lento puis Vivace, joué par donc le trio Atanasov, trio Dumki de Dvorak, encore une œuvre que l'on pourra écouter lors du prochain concert de la LMC. Philippe Tout à Rosseux. Fait, il fait partie de la programmation du concert du 29 avril. Alors, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est quand même assez, c'est du tchèque. Hein. Dumki, c'est le pluriel de Dumka, et Dumka, ce sont les danses. Donc, vous avez remarqué ces phases très dansantes de l'œuvre. Alors, pour poursuivre un peu ce que nous disions avant d'écouter ce morceau, est-ce qu'il vous arrive de découvrir des artistes à travers leurs disques, des disques qu'on vous envoie? Ah oui. Et de craquer, littéralement? Oui, alors, je craque régulièrement. Ce qui me pose un problème. Alors, je reçois beaucoup de CD et beaucoup de liens d'écoute. Je préfère d'ailleurs les CD aux liens d'écoute. Ça me permet de faire des sessions d'écoute tranquilles. Les liens, c'est pas toujours bon. Et puis, ça me permet de tout passer sur une chaîne de bonne qualité. Et puis ensuite, alors, le coup de cœur, c'est mon problème. Il faut que je trouve la place ensuite de mettre le coup de cœur le plus vite possible. Ouais. Alors, ça m'arrive. Hein, de temps en temps, je bouscule ce que j'avais fait. Et puis, je remplace l'un par l'autre et je repousse, etc. Mais oui, bien sûr. Quand on découvre un très beau pianiste ou un très bel ensemble, on a très envie de le faire connaître. Alors, les programmations sont prévues combien de temps à l'avance? Parce que bon, j'imagine qu'il faut prévoir au moins 2 ou 3 saisons à l'avance. Oui, oui, absolument. Là, actuellement, la saison prochaine, donc 24-25, est bouclée, puisqu'on vient de la publier. La saison suivante, 25-26, est déjà bouclée également, à 100%. À epsilon près, bon, je me garde toujours cette possibilité de remplacer un concert par un autre si jamais j'ai vraiment un coup de cœur. Ouais. Et puis, la saison suivante, et les grandes lignes sont définies. On n'a pas encore les dates, on n'a pas tout ça, mais c'est assez bien défini. Donc, oui, on a 3 saisons d'avance quasiment. Alors, la saison de l'ALMC 2023-2024 s'achèvera le dimanche 2 juin, salle Poirel, avec un concert à 16h cette fois. Du Sirba Octet, maîtrise de la cathédrale de Metz. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet ultime concert de la saison? Ah, tout à fait. Alors, c'est un de mes concerts préférés. C'est un concert donc qui va réunir le Sirba Octet, qui est un ensemble de musiciens classiques, mais qui se sont spécialisés dans la musique klezmer, yiddish, gypsy, arménienne. Avec un ensemble donc de 8 musiciens, clarinette, contrebasse, piano, cymbalum. Très musique des pays de l'Est, hein, vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Et pour ce programme Zusammen, dont je vais vous parler, ils ont créé une version de leur spectacle avec un chœur d'enfants. Et nous avons choisi le chœur d'enfants de la maîtrise de la cathédrale de Metz, qui avait déjà donné cette œuvre il y a une année à l'Arsenal à Metz. Donc on a choisi de les reprendre parce que ce sont vraiment des jeunes tout à fait sympathiques. Donc là, on aura un spectacle qui est un ensemble d'air arménien, gypsy, klezmer, etc. Musique du monde, en quelque sorte. Alors, oui, musique du monde, mais très particulièrement cette notion de la musique des pays de l'Est. Hein, ouais. Surtout, c'est un programme qui est fait pour être ensemble et unis contre l'oubli des génocides et pour la lutte contre les discriminations. C'est le but de ce spectacle. Le Richard Schmuckler, qui dirige cet ensemble, nous dit qu'il veut que la fraternité s'incarne dans la musique et qu'il veut faire survivre les traditions populaires, symbole de l'harmonie sociale. Donc Zusammen, c'est vraiment un spectacle de soutien fraternel qui est à la fois soutien à ces minorités mémorielles, les génocides qu'on connaît, et d'actualité, parce que finalement, actuellement, on se retrouve un petit peu dans les mêmes situations. Hein. Voilà, donc un concert qui interpelle donc justement la conscience de tout un chacun. Oui, absolument. Allez, on va écouter un extrait du Chavor, qui est Chavor, c'est un extrait de Zusammen. Zusammen. Ah oui, l'allemand. Oui, oui. Interprété donc par ce Sirba Octet qui sera présent à Nancy le dimanche 2 juin à 16h, salle Poirel. Tout à fait. Un extrait de l'album Zusammen du Sirba Octet, un ensemble que l'on pourra écouter en live, si je puis dire, en direct. Tout à fait. Le dimanche 2 juin, salle Poirel, avec, donc, dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre. Et je suis toujours en compagnie de Philippe Fosseux, président de cette association. Alors, Philippe, on va parler un petit peu quand même de la saison 2024-2025. Oui, on va l'effleurer. On va l'effleurer, le programme est déjà connu. Et évidemment, alors là, une tête d'affiche qui va remplir la salle, absolument. Ça, c'est couru d'avance. Oui, j'imagine, oui. C'est absolument certain. C'est Barbara Hendricks, fameuse chanteuse. Alors, comment on fait pour avoir Barbara Hendricks? Alors, comment on fait? Eh bien, on est persévérant, on parle, on cause, on échange, on appelle son agent, qui hésite, qui attend, qui ne sait pas, qui revient, qui est très cher, qui etc., etc. Bon, aussi, oui. Tout un tas de choses. Et puis, on a tout à coup, en parlant, l'opportunité de discuter avec un autre agent qui la connaît très bien et qui s'occupe de ses concerts classiques, et avec lequel on trouve un accord et on peut inviter Barbara Hendricks avec une date précise. Ce qui sera notre cas, et ce sera un concert de leaders qui seront Schubert et Sibelius. Pour l'instant, c'est tout ce que j'en sais. Oui. Elle choisit son programme un peu en dernière minute, elle le composera, je ne le connaîtrai que pour écrire le programme. Quoi. Selon l'état de sa voix, peut-être aussi. Selon l'état de la voix, absolument, ça n'est pas évident. Bon, elle est plus toute première jeunesse, bien évidemment, hein. C'est une grande artiste, mais bon, comme tout le monde, elle prend un an tous les ans. Et peut-être d'ailleurs offrira-t-elle au public en bis quelques chansons de jazz, parce qu'elle est aussi beaucoup sur le jazz. Hein. Oh ben c'est une chanteuse qui fait de l'opéra, du jazz, du folk, on a tout à la fois, si vous voulez. Très ouverte sur tous les répertoires. Tous les répertoires, absolument. Le classique n'en étant qu'un. Et j'espère bien obtenir d'elle qu'elle nous fasse un bis avec le Summertime de Gershwin, évidemment. Bien évidemment. Bon, mais parmi ces faudra négocier. Alors, vous avez choisi, évidemment, de nous faire écouter Barbara Hendricks, soprano, Alan Lewis, Stanschritt. Alors là, je vous laisse présenter parce que je ne connais ni le compositeur ni l'œuvre. Oui. Alors, le compositeur, c'est pas non plus un compositeur extrêmement connu, puisque là, on est dans la partie blues et negro spiritual. Ce sont des Américains qui ont peu de d'aura en France, hein, c'est pas les gens qu'on écoute habituellement. On écoute du folklore, ou on écoute des negro spirituals sans trop savoir qui les a composés ou qui les a arrangés. Alors souvent il n'y a pas vraiment de compositeur officiel. Non, voilà, il y a pas trop de compositeur officiel. J'ai noté le nom de ce compositeur parce que il est bien de le citer, mais je pense qu'il a dû disparaître. Il doit être décédé, donc on ne l'entend plus trop. Le disque, le CD dont cet extrait a été choisi, c'est un CD qui est entièrement consacré à la partie negro spirituals et blues. D'accord. Elle joue là avec son ensemble, son blues band, guitare, drums et piano. Oui. Vous allez entendre, c'est une voix accompagnée comme cela qui est tout à fait intéressante. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves, blood at the roots, black body swaying in the southern. Strange fruit hanging from the poplar trees. Mm. Mm. itself. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. And the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain to gather, for the wind to suck. For the sun to rot. For a tree to drop. Here is a strange and bitter to grow. C'est pas très très classique ce qu'on a entendu hein, sur la fin. Bon, non, c'est pas très classique. C'était Barbara Hendricks dans du blues. Et Barbara Hendricks, elle sera présente donc au mois de septembre, c'est ça, septembre. Elle sera là le 30 septembre, effectivement, pour le premier concert de la prochaine saison. Alors, une artiste qu'on aime beaucoup, c'est Elsa Gretter, violoniste, qui est alsacienne, donc presque une artiste locale. Hein. C'est presque une artiste locale, absolument. Avec David Lively, pianiste américain, ils ont fait des disques, Ravel notamment, un très joli disque Ravel qui a été salué par l'ensemble de la critique. Et vous les invitez pour le concert du mois d'octobre, c'est ça? Du mois de novembre. Le mois de novembre. Bon, octobre, on ne fait jamais de concert. D'accord. Vacances et vacances. NJP. D'accord. Donc, on laisse la place aux autres, c'est normal. nos spectateurs et nos abonnés sont tout aussi intéressés par le jazz qu'ils sont intéressés par le classique. Donc, on a beaucoup d'abonnés qui vont à ces spectacles et on laisse la place au NJP. Alors, Ravel, il sera au programme, évidemment, de ce concert. Ravel qu'ils ont enregistré, comme je le disais. Et puis, quoi d'autre? Vous savez un peu déjà le programme? Alors, du concert? Alors, le programme du concert d'Elsa Gretter et de David Lively, c'est leur programme Exil. Mm-hmm. Donc, Exil volontaire ou Exil involontaire de certains musiciens. Donc, on aura un exil forcé, celui d'Arvo Pärt, parti à Berlin. Malheureusement, pour lui, Ernest Bloch également. La dictature soviétique, hein, on va le rappeler. Parce que... Oui, quand même. Mmh. Oui. On aura ensuite Ernest Bloch, suisse naturalisé américain, donc qui est parti aux États-Unis. Prokofiev, exilé un temps lui aussi aux États-Unis, puis en France. Et puis, des exils plutôt voyages vécus ou imaginaires de Francis Poulenc en Espagne et de Maurice Ravel avec les États-Unis et les relents qu'on peut avoir de cette musique américaine dans ses œuvres. Alors, je suppose qu'il y aura la dédicace des disques, parce que ça aussi, c'est un moment important de rencontre avec les artistes. Le public, bah, il peut acheter le disque, mais enfin, il peut aussi venir saluer. Il peut venir saluer, se faire remercier. Signer son programme, remercier, ce qui est le cas la plupart encourager. Du temps. Donc, on le fait à peu près systématiquement. Pas toujours, parce que ça se goupille pas toujours bien à cause des maisons de disques qui ne pensent, non, des maisons de disques qui pensent pas envoyer des disques en temps utile, ou qui ne veulent pas s'embêter avec la chose, ou qui veulent rien faire parce qu'il faudrait retourner, mais bon. Alors, la plupart du temps, les artistes viennent avec 20 ou 30 CD, on les met en vente à la fin, il y a une dédicace et on a une demi-heure d'échange avec 30, 40 personnes en règle générale. Donc, il y aura, pour Tsuzamen dont on vient de parler, il y aura bien sûr une vente du tout dernier CD avec chœur. Là, on l'a écouté sans chœur, mais la version avec chœur va être publiée. On aura bien évidemment, vraisemblablement, une signature de CD et de programme pour Barbara Hendrix. Hein. Ça, c'est évident. Ça va faire plaisir à beaucoup, hein, là. Bon nombre, hein, je crois. Je crois, oui. D'approcher cette grande dame. Je crois, tout à fait, oui. Moi, le premier. Et on aura certainement la signature du disque de Lively et Greter, bien sûr, qui a eu une récompense Diapason d'or, je crois. Et Télérama, et 4T de Télérama. Bien évidemment, ce sera un bon moment. Allez, on va les écouter, Elsa Greter et David Lively, Elsa Greter violoniste, David Lively pianiste, dans un extrait que vous avez choisi, extrait de L'Enfant et le Sortilège, c'est une transcription de Five O'Clock Foxtrot, tirée donc de cet opéra de Maurice Ravel. Thank you. Découvrir un Ravel hors boléro. C'est un Ravel hors boléro. Voilà, c'était une transcription pour violon et piano de L'Enfant et les Sortilèges, d'un extrait de L'Enfant et les Sortilèges, avec Elsa Gretter au violon, David Lively au piano, qui seront présents dans le cadre des concerts de l'Association Lorraine de Musique de Chambre au mois de novembre prochain. Tout à fait. Nous sommes toujours avec Philippe Fosseux, président de la LMC, et on va parler maintenant vent avec les clarinettes du quatuor Hanche Hantée. Alors c'est en deux mots, hein. Il y a un jeu de mots là, Hanche Hantée, et justement, j'allais vous demander, est-ce que les instruments à vent ont un intérêt aussi pour une programmation dans le cadre d'une association comme la LMC ? Alors, je programme régulièrement des gens comme le Quatuor Enchanté, clarinette, je programme des octuors ou des quatuors à vent, ou des quintettes à vent, parce que c'est souvent plus souvent des quintettes d'ailleurs que les quatuors, pour le vent. J'ai programmé de la flûte, j'ai programmé des choses comme ça, du hautbois, mais... je dois dire que j'en programme moins que les cordes. Notre public attend les cordes d'abord, le piano également. Et lorsque on a des vents, très régulièrement, on a un public beaucoup moins important que celui qu'on peut avoir avec les cordes. Ouais, ce qui est curieux finalement. Hein. Alors c'est très curieux. Mmh. C'est vrai que je suis toujours hésitant. Mais mettre de la flûte seule, par exemple, c'est pas possible. Mmh. Donc faut que ce soit au minimum piano-flûte. Ou les œuvres de Mozart, quatuor avec flûte, par exemple. Ou quatuor avec flûte, bien évidemment. Alors, on a programmé, bien évidemment, les grands quintettes avec clarinette relativement récemment, qui ont beaucoup plu aussi. Mais lorsque nous avions invité la première fois le quatuor enchanté, donc quatre clarinettes, beaucoup de gens avaient dit « Waouh !» Quatre clarinettes. Et ensuite, quand ça a été terminé, ils étaient tellement heureux qu'ils en redemandaient. Voilà, une belle découverte. Voilà, il fallait qu'ils découvrent. Donc, petit à petit, les vents prennent leur place, mais à petite dose. Donc, le Quatuor Enchanté, est-ce qu'il sera présent durant la saison 2024-2025? Tout à fait. Donc, on les aura le dimanche 15 décembre. Là, on fait un concert en fond. Avec eux, c'est l'histoire de Casse-Noisette. Mmh. Donc, Tchaïkovski Un autre compositeur qui est Fabien Waksman, que je ne connais pas, qui a, je crois, composé spécialement pour ce spectacle. Alors, on va découvrir donc ce quatuor Hanche Hantée, je le rappelle en deux mots, parce qu'il y a un jeu de mots, dans la Bacchanale de Samson et Dalila, extrait l'oratorio ou l'opéra, je ne sais plus. De l'opéra, oui. Alors, l'opéra oratorio, il y a les deux. Mais là, c'est l'opéra. On resitue peut-être la scène qu'on va entendre, cette Bacchanale. Samson est amené au temple, il a été trahi par Dalila. Il est amené au temple sans force. Il est là et... les Philistins célèbrent leur victoire, c'est ce qu'on va entendre dans cette joyeuse bacchanale, et Samson demande à Dieu de lui redonner sa force, il retrouve la force, et tout le monde a cette image en tête où il pousse les colonnes du temple qui s'écroulent à ce moment-là. Et nos auditeurs vont reconnaître parce que ça a servi de BO, enfin arrangé quand même, pour l'un des films de Louis de Funès. Hein. Absolument. Thank you. beaucoup d'orientalisme hein, dans cette musique de Saint-Saëns. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Fosseur ? Ah oui, et ben cette façon Saint-Saëns, c'est un très grand compositeur. Ça a été un type extraordinaire. Et puis l'orientalisme était quand même tout à fait à la mode. Mm-hmm. On sent bien dans cet opéra qu'il ne pouvait pas faire autrement que de faire de l'orientalisme. Avec une page symphonique. On va rappeler que c'était donc la Bacchanale de Samson et Dalila, interprétée par le quatuor Anche Hanté, en deux mots, je le répète, qui sera présent donc dans la saison 2024-2025 de la LMC. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour terminer l'émission, quels seront les autres concerts de la saison à venir ? Oui, alors il y aura quatre concerts dont on parlera plus tard. Alors celui de janvier, je le cite tout de suite parce qu'il est très intéressant. Et nous recevrons Pierre Arditi, viendra dire les textes d'Ariel Buteau de France Musique et des poèmes de Boris Vian également, avec un accompagnement qui sera le piano, la trompette de Lucienne Renaud-Davary, qui est la grande trompettiste actuelle, et puis la superbe soprano Julie Cherrier-Hoffmann, qui est locale, avec son mari au piano, Frédéric Chalin, qui lui aussi est nancéen, hein, ils habitent la région. Donc ça, ce sera au mois de janvier, le 20 janvier. Ensuite, on aura à nouveau un local de l'étape, ce sera Jonathan Fournel, ce très beau pianiste qui a reçu le prestigieux prix concours Reine-Élisabeth. Ensuite, ça, ce sera en février. En mars, nous aurons un très beau quintet à cordes, c'est le quintet à cordes de la Philharmonie de Berlin. Avec une petite surprise d'ailleurs, puisque Romano Tomasini, qui en est le premier violon, a été le premier violon de l'Orchestre Symphonique de Nancy. Donc, il va se retrouver sur la même scène que celle où il a joué dans les années passées. Donc là, on aura un programme slave, Dvorak à nouveau, Tchaïkovski, Shostakovich, Taneyev, ce sera vraiment une très belle soirée. Et puis, surtout, c'est tout à fait prestigieux comme quintet. On aura... après le trio Karénine, un trio de jeunes musiciens, superbe trio, avec du Ravel, du Saint-Saëns, et le trio de Germaine Taillefer, très belle compositrice. Et on terminera avec le grand pianiste Michel D'Alberto, qui nous fera goûter à Schubert, à Liszt et aux transcriptions de Verdi et de Bellini pour arrangements pour piano. Voilà. Eh bien, merci Philippe Fosseux d'être venu nous présenter ces prochains concerts de l'ALMC. Bien sûr, tous les détails sont retrouvés sur le site de l'ALMC, très très bien fait d'ailleurs, avec tout l'historique, un historique remarquable. Oui, voilà. On peut remonter jusqu'à 47. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Fosseux. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous.